La semaine finie, Frédéric demanda timidement au sieur Arnoux ses 15 000 francs. Arnoux le remit au lendemain, puis au surlendemain. Frédéric se risquait dehors à la nuit close, craignant d'être surpris par des lauriers. Un soir, quelqu'un le heurta au coin de la Madeleine. C'était lui. « Je vais les chercher, » dit-il. Et Deslauriers l'accompagna jusqu'à la porte d'une maison dans le faubourg Poissonnière. « Attends-moi. » Il attendit. Enfin, après 43 minutes, Frédéric sortit avec Arnoux et lui fit signe de patienter encore un peu. Le marchand de faïence et son compagnon montèrent, bras dessous, la rue Hauteville, prirent ensuite la rue de Chabrol. La nuit était sombre, avec des rafales de vent tiède. Arnoux marchait doucement, tout en parlant des galeries du commerce, une suite de passages couverts qui aurait mené du boulevard Saint-Denis au Châtelet, spéculation merveilleuse, où il avait grande envie d'entrer. Il s'arrêtait de temps à autre pour voir encore des boutiques la figure des grisettes, puis reprenait son discours. Frédéric entendait les pas de Deslauriers derrière lui comme des reproches, comme des coups frappants sur sa conscience. Mais il n'osait faire sa réclamation, par mauvaise honte et dans la crainte qu'elle ne fût inutile. L'autre se rapprochait, il se décida. Arnoux, d'un ton fort dégagé, dit que, ses recouvrements n'ayant pas eu lieu, il ne pouvait rendre actuellement les 15 000 francs. « Vous n'en avez pas besoin, j'imagine. » À ce moment, Deslauriers accosta Frédéric et le tirant à l'écart. « Sois franc, les as-tu, oui ou non ?»« Eh bien non, » dit Frédéric. « Je les ai perdus. »« Ah, et à quoi ?»« Au jeu. »